Dans l'actualité également de ce samedi, le groupe Action Gay et Lesbien du Loiret organise une grande manifestation publique cet après-midi, place du Martroi à Orléans. Une première ici, à deux jours de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Une action en direction de tous, homo et hétéro. Vous êtes invités à partir de 14h à participer à trois opérations kissing, à vous embrasser donc, ou au moins à vous tenir la main pendant 5 minutes. Deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, le but est de montrer que tout cela est naturel. Car aujourd'hui encore, à Orléans, ces gestes sont interdits pour certains. Écoutez le témoignage de Sandy, 30 ans. Pour elle, les discriminations sont quotidiennes. Je ressens toujours autant de haine, et que ce soit dans la rue, on peut pas se tenir la main, ça c'est clair. J'ai déjà eu des agressions physiques. Donc on apprend à faire plus attention. Et on a aussi une sorte de radar un petit peu, quand on voit certaines personnes, pas forcément des jeunes. Attention, c'est vraiment commun à tout le monde. Que ça soit au travail, à la famille, avec certains amis même, qui sont pas forcément au courant. Et c'est vrai que dans les discussions, des fois, quand les gens vous parlent de leur mariage, de leurs enfants, on se sent complètement à part. Et nous, on peut pas se permettre de parler de notre vie intime qui est pas reconnue en tant que telle. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on ait les mêmes droits que tout le monde et qu'on soit pas à part, tout simplement, qu'on soit reconnus comme des couples, que ça soit dans le logement aussi, quand on recherche un appartement, ce qui n'est pas le cas aussi. Récemment, il y a une personne qui a dit « je veux pas de lesbienne chez moi ». Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses quand même qui sont pas très faciles à entendre, et c'est assez hallucinant quand même encore aujourd'hui d'entendre des choses comme ça, mais ça existe encore. Et puis après la sortie de Michel Guérin cette semaine dans la Tribune d'Orléans sur les homosexuels, le GAGL 45 compte aussi sur cette manifestation cet après-midi pour rassembler toutes les personnes qui condamnent ces propos. Des propos, explique Denis Lefebvre, le président du groupe, qui ne font que légitimer toutes les vexations brimades et agressions réalisées par des personnes qui pensent comme Michel Guérin. Le maire communiste de Saran avait qualifié l'homosexualité de fuite en avant de la race humaine.